C'est un témoin parce que je passe la nuit dans les ténèbres. Le matin, je me réveille avec le même sourire. Je m'élève, je reviens de loin, ouais. Je reviens de loin, c'est. Et moi, elle s'étonne de moi parce que je passe la nuit dans les ténèbres. Mais le matin, je me réveille avec le même sourire. Je m'élève, je sais que c'est pas une coïncidence. Je me réveille à l'heure de la prière. Faudrait que je commence à la faire. Mon Seigneur m'a permis de briller. Je reviens de loin, je t'ai fait dur, j'attends que ça tombe. Je laisse tout au mieux, je veux pas décorer ma tombe. C'est chacun pour sa gueule, fais pas blâmer, on l'a compris. T'es concentré sur ton bif et ta billette, j'ai ton ombre. Et ma gueule, j'suis pris de vitesse. Mon ex est d'ivresse. Maintenant que c'est dit frère, j'ai pillardi tes fils de pute, mets de la distance. Je veux pas de leur discours, je veux pas de leur délire d'hypocrite, je veux pas de leur resto. Ton ami baisse ta femme. Donc à vos combis sur Instagram, ils me font les comptes et moi jamais je me raconte. Je connais ces tueurs, je veux pas leur ressembler. Dans leurs yeux y'a pas de lueur. Mon ami tout est noir, oui tellement noir que je peux effacer 23 piges en une seule soirée. Aujourd'hui, ben je reviens demain. Regrette ce que j'ai vendu. Viens faire le bandit, la violence pour les bandits. Viens faire le tendu. Je reviens de loin, ouais. Je n'ai que mes demain. Regrette ce que j'ai vendu. Viens faire le bandit. Je reviens de loin, ouais. Je n'ai que mes demain. Regrette ce que j'ai vendu. Viens vers le bandit, la violence nous fait bander. Viens vers le bandit.